Encore un autre journaliste abattu en plein jour, devant chez lui. Il enquêtait sur les liens entre cartels et figures politiques. Le troisième, ce mois-ci, on s'indigne, on oublie. Et puis ça recommence, encore et encore, cette fois, ce n'était pas juste un nom dans un article. C'était un numéro dans mon téléphone, une voix qui m'appelait pour vérifier une piste, un regard qui savait jusqu'où on peut creuser sans mourir. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire de faire attention.